Assemblage requis d'une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Stéphanie Gagné vient nous faire profiter de ses coups de cœur dans ton plat favori. Et on reçoit Émilie Gauthier avec sa chronique de sortir avec moi. Assemblage requis, ça commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 22 février 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Et on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Bonjour, François-Olivier. Bonjour, Mathieu Plante. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Toujours. Merveilleux? À merveille, merveilleux. Hey, Mathieu, ce matin, je suis écœuré de l'hiver. Tabarouettant, hein? Oh oui. Oh, comment oui, ça? Oui. Hey, je sais pas, je suis tanné du froid. Je suis vraiment tanné. Donc, je veux que l'hiver s'en aille au plus vite. Bon, ben, à vos ordres. Ah, oh, merci. C'est fini. Il n'y en a plus. Merci. D'hiver. Merci. Il n'y a plus d'hiver. L'hiver est fini. Dis pas, fais pas comme si tu serais pas content. Non, non, je suis content. Ah oui, l'hiver, un jour, se terminera. La marmotte l'a dit. Hein. Oh, le plus vite possible. Le plus vite possible. S'il vous plaît. Aujourd'hui, à l'émission, on a un plan chargé, comme toujours, mais plus que les mardis habituels, hein, parce que hier, si vous étiez avec nous, Stéphanie n'était pas là. Elle va être avec nous aujourd'hui pour ses deux chroniques. Elle a Take Me Out sur les sorties spectacles en région et ailleurs. Ça, c'est vers les 8h10. Et puis... son plat favori avec son coup de cœur du moment artistique ou culturel, ça c'est vers les 8h30. Ça va être fort chargé. Ouais. Et on a Émilie aussi. Émilie Gauthier avec sa chronique veut sortir avec moi aux alentours de 8h. Tout à fait. D'ici là, il y a C'est un fait et plein d'autres divertissements juste pour vous. Juste pour vous. Et les autres. Uniquement. Ah oui, c'est pour uniquement pour vous. Vous là, à la maison, dans la voiture ou ailleurs. Cochez l'endroit où vous êtes et complimentez-vous vous-même. Ce matin. Ce matin. Ou l'après-midi ou le soir si vous écoutez en balado-diffusion. Ah, peut-être. On sait pas. Et on commence l'émission avec un nouvel extrait du palmarès. Ça vient tout juste de sortir. C'est super bon. C'est Résistance, Cœur de Néon. Résistance là, avec les gens de comment t'appelles ça déjà? Zurung là-dedans. Regarde, il y a même une petite note dedans. On va aller, OK? Résistance est fier de vous présenter son premier rejeton, Cœur de Néon. Naviguant habilement entre les frontières texturées de l'électro, de la pop et du hip-hop, ce projet musical offre un voyage électrisant dans un univers éclectique, déjanté et très imparfait. Le disque Cœur de Néon est le résultat de la rencontre hasardeuse entre Zurung, qu'on a déjà eu dans le palmarès ici et qui était très, très, très, très, très bon, et Feiron, une chanteuse. Vous pouvez télécharger gratuitement le MP3 de cet album-là, en fait les MP3, hein, sur résistance2.1.com. Résistance 2, et puis en mot point, hein, POINT, 1.com. On appelle donc ça Résistance 2.1. Et voici l'extrait. On commence la partie à son âge. Eh bien, le rappeler, annoncer aux gens que la pochette est extrêmement laide. Oui, oui, c'est très douchebag. Ah, c'est hallucinant. Tu n'as même pas le goût de le prendre. Hier, je l'ai pris, tu te rappelles, Mathieu? Ouais. Et puis je riais de la pochette. Ben, il faut pas se fier aux apparences. Ah, faut pas se fier aux apparences, non. C'est une parodie des douchebags, hein. C'est voulu, c'est de l'humour, comme on appelle. Commencez la partie de Résistance 2.1 à Assemblage Requis. Si t'es comme moi, donc vie des fois où t'as envie d'être toi, n'importe quoi. Montrer tes points au monde devant toi, vas-y, élève ta voix et pose tes choix. Deux, trois coups de batte, une coupe de claque, un coup de batte, quel fuck c'est quatre, une coupe de batte. Tu peux faire ta place, il faut juste que ta face, que tu laisses ta trace. Choisis ton corps.

Les trois nouvelles entrées du palmarès francophone de C'est fou, ça c'était Jean-Philippe avec Envie de rien, avant d'entendre Peter avec Homa, et on a débuté avec Résistance 2.1 avec On commence la partie. Voilà pour les trois nouvelles entrées franco. Il y en a trois du côté anglo, et évidemment on les entendra une autre fois. J'ai bien aimé Peter. Moi aussi, très court hein, comme pièce. Oui, tout à fait. Incroyablement court. Résistance, par exemple, je sais pas. C'est un goût qui auquel on s'habitue. Peut-être, probablement. Peut-être. C'est peut-être l'heure aussi. Tu crois? Ça se peut. Peut-être. Vous êtes toujours Assemblage Requis. On va retourner en musique et avant de passer à la chronique C'est un fait qui s'en vient dans quelques minutes. Et après ça, le contenu va débouler. T'sais, une fois que le contenu commence, là, il n'arrête plus. Donc, il faut mettre de la musique maintenant pendant qu'on peut encore en mettre entre les chroniques. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, François? Block Party. Ah, ben, Block Party, c'est Block bon, ça? Block Party. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça ici même, Assemblage Requis. Tout à fait. Avec la pièce Banquet. Ah oui! Ah oui! Sur leur album là, qui s'appelait, évidemment... Silent Alarm. Tout à fait. D'accord, je l'ai maintenant. Assemblage Requis au 89 FM. C'est fou. Pas si fou que ça non plus. Hein. Ouais, ça commence mollo. À peu près un peu. Un petit peu. Ben, c'est comme un vrai banquet. T'arrives, tu socialises avant que la musique embarque. Après, cette partie commence. Ah là! Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Assemblage Requis jusqu'à 9h.

6 avec la pièce City Lights Cry. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Rocky. On en a une deuxième pour vous gratuitement. Gratuitement, mais fort bien chargé, tabarouette. OK, oui, tabarouette. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la deuxième heure, François-Olivier? On reçoit Émilie Gauthier dans l'ordre. Émilie Gauthier avec sa chronique Veux-tu sortir avec moi? Ensuite, on a Take Me Out, la chronique des sorties culturelles de Stéphanie Gagné. Oui. Et puis, Stéphanie Gagné qui va nous... qui va rester avec nous pour ton plat favori. Oui, c'est ça, exactement. Tabarouette, je suis mêlé. C'est pas grave. Je viens de dire tabarouette. T'arrêtes plus, ben non, c'est un cliché qui est parti d'une racine. Hein. C'est toi la racine. Mais je l'ai pas dit au début. Oui, peut-être. Oui, je pense que oui. Oui, une fois au début. Tu dis toujours tabarouette. Ben non, pas toi. Tout le temps, toujours. T'es rarement en train de pas le dire. Bon, là, je suis rarement en train de pas le dire. Alors, reste avec nous la deuxième heure d'Assemblage Rocky. Ça vient juste après l'Info Campus. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage Rocky. Bon, on est la deuxième heure d'Assemblage Rocky en ce mardi 22 février. Moi, c'est Mathieu Plante. Pour François-Olivier. Oui, François-Olivier. T'aimes ça faire languir les gens? J'aime ça. T'aimes ça avec signe la de mes langue? Qualités. Oui, oui. Tu veux du coûter à ma médecine, Mathieu Plante? T'as pilé par-dessus quand j'ai parlé de ta langue, hein? C'est ça que tu voulais, hein? Qu'on parle de ta langue plus longtemps. Oui. Deuxième heure qui va être extrêmement chargée. Donc, pendant qu'on peut encore, on va se passer un petit peu de musique. Voici The Rural Alberta Advantage. Hein? On avec, aime ça le dire. Avec Stamp? Oui, Stamp, c'est la pièce du palmarès qui vient de faire son entrée il y a quelques temps de cela. Stamp, Rural Alberta Advantage. C'est assemblage, Ricky. Tu veux pas l'essayer, hein? Je savais. Non, non. Non, je touche pas à ça. C'est trop compliqué. Avec ta langue, comme un timbre. Oh. Stamp, timbre. Hein? Hein? Tout revient, là, gars. Ça s'enfile, là, ça s'enchaîne, c'est beau. Wow. Magnifique.

finition construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage Requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Son là est magique, regarde, il y a des effets sonores de magie dedans. Wolf and Cobb avec 7-7 sur l'album Science and Sorcery dans Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. Oui. Tout à l'heure, on va recevoir notre amie Stéphanie Gagné qui, normalement, est le lundi, mais on l'a transplanté temporairement, comme par magie, hein, au mardi. Je sais pas, par exemple, si ça a fait son affaire, mais on pourra lui demander. Oui, on va savoir pourquoi, peut-être, elle a été transférée au mardi temporairement. Hein? Ça, c'est tout à l'heure vers les 8h30 avec sa chronique Take Me Out sur ses sorties culturelles du moment de la semaine, si on veut. Et ton plat favori avec son coup de cœur. Ça peut être un film, ça peut être de la musique, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être n'importe quoi. C'est rarement ça, mais ça pourrait être ça. Ça peut, on sait pas. Le potentiel est là, t'sais. La possibilité ne l'est pas, mais la potentialité est là. On retourne à la musique à entendre notre ami. J'arrête pas de nommer tout le monde comme étant des amis. Je trouve qu'on a beaucoup d'amis, tu trouves pas? Oui. On a beaucoup d'amis. Jérôme Dupuis-Cloutier avec Homme d'instinct. Notre ami. Ah, notre chummy, Jerry Dick, comme je l'appelle. Jerry Dick. JDC. JDC. C'est mieux JDC que Jerry Dick, je pense. Oui, oh, je pense que oui, ça sonne mieux. On lui demandera peut-être que c'est un compliment aussi. Demain. C'est demain à sa place avec Jérôme Dupuis? Non. C'est pas vrai. Si tu veux nous booker ça. Ouais, c'est. C'est bon de booker des affaires. Je suis un homme destin, une race en voie d'extinction. Vous ne pouvez m'emmener dans le train de l'évolution. Je ne bouge pas tant que j'ai faim. Je crains mon demain. Laisse faire le cobalt. Si c'était juste de moi, je coucherais dehors. Bienvenue chez moi, qui est aussi chez soi. Sous la belle étoile, ça fait longtemps que je vis mon errance dans le dépassé d'une autre voie lactée. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage Requis en pièces détachées. Vous êtes toujours à Assemblage Requis jusqu'à 9h, on reste 30 minutes ensemble. François? Mathieu. J'ai envie qu'on en apprenne un petit peu plus sur pourquoi Stéphanie n'était pas là hier. Juste un petit peu. OK, je te laisse poser la question. Ouais. Donc, Stéphanie, qu'est-ce qui s'est passé hier pour que tu sois avec nous? Faut vraiment que je descende en ombre, là. Juste un peu. Sinon, tu peux inventer quelque chose. Oh, ouais, c'est ça. Je me suis fait enlever par des extraterrestres. Ah, cool! Comment ça s'est passé? Ah, il y avait une berline rouge, puis là, ils ont foncé dans mon char, puis ils m'ont enlevé. Délit de fuite et tout? Ouais, tout claquette. Après, ouais. Dans le fond, on enlève les extraterrestres, puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Mais elle m'a pas enlevé. Parce qu'elle est partie. Assez poussée, assez enlevée oui. elle-même. Donc, faites attention à vos voitures quand vous rentrez à l'université parce qu'il y a des gens qui vous foncent dedans puis qui s'enfuient après. Mais le monde ici à l'université conduit très mal. Il se stationne très mal aussi. Ouais. Donc, faites attention pour vrai. Je sais pas. Là. Moi aussi, ça passait proche une fois. Là. Juste dans le parking. Là. Dans le parking, tout le monde sort du parking super vite. Ouais. Le monde arrête pas avant. C'est la course. C'est l'enfer. Il n'y a pas moyen des fois de se protéger de ça. T'sais, beau faire attention, mais à un moment donné, il y a des choses inévitables dans la vie. Hein. Ouais. On peut pas tout le temps faire attention pour les autres. Et non, et non, et non. La voix que vous entendez, c'est celle de Stéphanie Gagné. On l'accueille officiellement pour sa première chronique de la journée. Voici Take Me Out. Take me out! On va parler des choses à faire en ce moment en région et ailleurs côté musique et spectacle quoi. Cette semaine, il y a moins de spectacles que la semaine dernière, puis il y en a moins en région aussi. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a le 23 et le 24, Pierre Lapointe qui va être au Grand Théâtre de Québec. Pierre Lapointe qui était à Trois-Rivières. Oh, François! La semaine passée. Un peu de gêne. Et... Je suis allergique. Retiens-toi. Ensuite, le 24, donc jeudi, Alex Nevsky qui est à Trois-Rivières à la salle Louis-Philippe Poisson. Ouh. Le lendemain, le 25, Karim Ouellette qui est au Franc Couverte. C'est bon, hein? Oui, c'est vraiment bon. Il va être au Cercle. Et la même soirée, Dumas va être au Cabaret La Tulipe. Le 26, les Vulgaires Machins vont être au Théâtre du Vieux Terrebonne. Et le 27 février, The Pretty Reckless qui vont être au Cabaret La Tulipe. Et il y a toujours le festival Montréal en lumière qui se poursuit jusqu'au 27 février. Alors c'est ça, il n'y a pas grand-chose en région. Non, non, malheureusement, que voulez-vous? Mais il y a Alex Nevsky. Oui, Alex Nevsky qu'on va l'entendre à l'instant. Oui, on va l'entendre, l'excellente pièce « I'm sticking on you » de son album « De lune à l'aube ». We'll be right back.

Ben, je m'en rappelle plus trop, j'écoutais ça quand j'étais jeune, mais j'avoue que si j'écoutais maintenant, à ce temps que je suis 0-0-0 religion, peut-être que j'aimerais pas ça. Ouais. Bref, mon coup de cœur à moi, Full House, la série au complet, ça m'a juste coûté 140$, là, cette série-là quand même. Mais c'est mon enfance, à un moment donné, quand t'as des choses, des souvenirs, de la nostalgie comme ça, faut le dire, tu te gâtes un peu des fois. Mais c'est hein? That 70's Show qui coûte à peu près ça. Sauf que j'aime pas mal mieux That 70's ouais, Show. Oui, j'imagine. Ah, donne une chance à des choses. Ça, bon. Voilà pour ton plat favori. Merci à Stéphanie, merci à François-Louis. Merci. Merci, merci, merci. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Mais là, t'as pas passé au travers de ta série au complet. Là. Non, là, je suis rendu... ça va vite quand même, hein, pour vrai. Je suis rendu à la moitié de la saison 3 de 8 saisons. OK. Mais je les ai déjà tous vus à la télé à un moment donné, presque, là. La plupart, là. On écoute ça en couple et puis on a bien du plaisir. C'est fun, hein? Riez pas de moi trop. Tu non. L'as eu vendredi. Je l'ai eu vendredi. Non, mais attends okay, un peu, ça attends fait un peu. Comme 3 jours, non, non, non, non, non. 3 saisons et demie. J'ai écouté 3 saisons et demie, mais pas toutes sur les DVD. Hein. Combien d'épisodes par saison? 25 environ. j'ai écouté les premiers en me les procurant de façon tout à fait illicite et illégale sur les internets. Mais t'es pas réécouté avec... Non, non, non, non, mais quand même, calme-toi, une minute, là, je vais pas les écouter deux fois tout de suite, là, ça c'est plus tard dans ma vie. Non, saison 1 sur internet et puis saison 2 et 3 à date sur DVD. Ça vous va? Depuis vendredi. Depuis vendredi. 25 ouais. Épisodes. Non, ça va vite. OK, donc il nous reste assez de temps pour écouter Panache. On va entendre une nouvelle pièce qu'on n'a pas encore entendue ici à Assemblage Requis. Tu n'as rien vu à Hiroshima, non. Et puis après ça, on revient avec la conclusion de l'émission à Assemblage Requis. Tu n'as rien vu à Hiroshima, non, de leur album Panache au 89 FM. Hein, c'est court, ce Panache, ça passe là, dans le temps de dire. Un peu comme Assemblage de crime. Combien de temps ça dure? 1 minute 30? Maximum? 1 minute 49. T'es pas loin. T'es pas loin. Mais c'est pas mal tout ça pour le site de Panache. Tout ça, c'est tout la même affaire. Là. Bref, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'il y a à l'émission demain, mercredi, François? Maxime Lemieux l'a ramené. Oui. Avec sa chronique Télécharge quoi? C'est à peu près ça, finalement. Oui, mais peut-être Laurence qui va venir nous parler d'un concours de danse. Oui, ça reste à confirmer. D'accord. Ben, on s'en reparle demain matin 7h. Restez là pour l'émission C'était fou que j'anime. Tout à l'heure, on rembobine C'est fou à partir de 9h05. Denis Janvier va être avec vous avec le dîner de con tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est une nouvelle de Radio-Canada. Passez une très belle journée. Bonne Bye. Journée, Mathieu. Bonne journée, François. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.